Vous écoutez Futur Simple, toujours sur CKRL au 89.1. Alors, à l'approche des fêtes de Noël, nous avons tous à la tête une liste de cadeaux que nous devons faire. Mais savez-vous que nous ne sommes pas les seuls à offrir des présents? Nous retrouvons ce comportement chez de nombreuses espèces animales. Et c'est aujourd'hui le sujet d'Adèle Mazurek pour nous dire quels cadeaux se font les animaux. Bonjour Adèle. Bonjour Valérie. Alors, contrairement à ce que l'on pourrait croire, en effet, l'échange de cadeaux entre individus n'est pas un comportement typiquement humain. On le retrouve chez de nombreux animaux, comme les oiseaux, les araignées ou même encore les primates. Évidemment, ils ne s'offrent pas des cadeaux à des fêtes comme nous, comme Noël par exemple. Non. Mais il y a bien des moments vraiment particuliers où ils peuvent s'en offrir. Et puis, les présents peuvent être variés aussi. Alors, petits insectes, parfums, petits mammifères, objets. Ah oui, d'accord. Et est-ce que donc chez les animaux, tout le monde s'offre des cadeaux ? C'est sûr qu'il existe des offrandes alimentaires entre les parents et les jeunes. On pense aux oiseaux, par exemple, qui donnent la becquetée. Mm-hmm. Mais il s'agit davantage d'un comportement alimentaire. Ouais, c'est pas tout à fait un cadeau. Non, c'est pour la survie du petit. En milieu captif, chez les chimpanzés, il y a des chercheurs qui ont remarqué que lors de la distribution de nourriture, certains singes offraient un fruit à un autre. Mm-hmm. Et dans ce cas-là, c'est parce que le premier avait été épouillé le matin par le second. Et en fait, il lui récompensait de son toilettage efficace. Mm-hmm. En général, les informations que j'ai pu trouver concernaient davantage les offrandes entre les mâles et les femelles, et plus particulièrement du mâle pour la femelle comme cadeau nuptial. Ah, intéressant. Donc, est-ce que ce comportement a un but particulier, en fait ? C'est pour attirer la femelle ? Oui, en fait, ils ont toujours une petite idée derrière la tête quand ils offrent un cadeau. Alors, dans les exemples que j'ai pu relever, il y a toujours un lien avec la parade, la reproduction ou aussi le soin aux jeunes. Les scientifiques sont assez partagés à propos de ce sujet-là. Pour certains, il s'agirait de véritables cadeaux dans le but d'impressionner le partenaire et de montrer qu'il est capable d'assumer ses responsabilités paternelles. Ah bah oui. Ou alors, le mâle aussi peut solliciter un début d'attendrissement de la femelle en offrant ce présent-là. Certaines fois, le cadeau est offert alors que le mâle a déjà choisi sa partenaire, donc il n'attend plus vraiment grand-chose en retour. Donc il s'agirait peut-être plus d'une simple démonstration de son affection. Tu vois, t'as bien fait de me choisir. Voilà, c'est ça. Donc autrement dit, le cadeau montre à la femelle de quoi le mâle est capable finalement. Tout à fait. Alors je vais prendre un exemple chez la sterne Pierre Garin. Le mâle apporte un petit poisson à la femelle. Donc il atteste ainsi de ses aptitudes de pêcheur et aussi de sa capacité à renoncer à l'aliment au profit de sa descendance. Mmh. Donc il garde pas tout pour lui, il en donne un petit peu. Et s'il apporte aussi une grande quantité de nourriture et des aliments de qualité, il sera en mesure de faire la même chose quand ils auront des petits ensemble. Mmh. D'ailleurs, des études ont montré que la quantité de nourriture offerte à la femelle influence le poids de la nichée chez certaines espèces d'oiseaux. Mmh. Et tu parlais tout à l'heure de reproduction. Comment l'offrande donc, que le mâle va faire à la femelle peut avoir un rôle au niveau de la reproduction ? Alors, le fait d'offrir un cadeau à une femelle peut s'agir d'une diversion. Alors, par exemple, chez une petite araignée des jardins, la pisore, que l'on retrouve particulièrement sur le sol français, le mâle part à la recherche d'abord d'un insecte qu'il va capturer et ensuite il va tisser tout autour de cet insecte avec son fil de soie jusqu'à faire un petit paquet, donc vraiment comme un petit cadeau. L'emballe en plus. Oui, vraiment. Mais ça a un rôle, tu vas voir. Donc il va présenter ce petit cadeau à la femelle et pendant que celle-ci va essayer de l'ouvrir, ça va la tenir occupée pendant un petit moment. Elle ne va pas faire attention au mâle qui va en profiter pour la féconder sans risquer de se faire manger en retour, ce qu'elle ne se laisse pas forcément faire sinon. Ah d'accord, donc sinon il prendrait le risque de se faire manger si son attention n'était pas détournée par ce petit paquet à défaire. Alors c'est ça, et puis des fois c'est encore pire parce que le petit paquet peut aussi être vide, mais avant que la femelle s'en aperçoive, le mâle a déjà filé et a fait son affaire. Donc, le petit malin. Voilà. Les femelles, en plus, sont de plus grande taille chez cette espèce que les mâles. Donc, elles ne feraient pas attention aux mâles et chercheraient une dotation alimentaire plus conséquente s'ils n'utilisaient pas cette technique de distraction. Cet exemple-là, ça me fait penser un petit peu au cas de la menthe religieuse aussi. Donc, on dit que après accouplement, finalement, le mâle s'accouple à ses risques et périls parce que la menthe le dévore. Alors ça, contrairement aux idées reçues, en effet, les mâles peuvent être dévorés par la femelle, mais c'est pas systématique. Okay. Dans la nature, c'est environ un tiers des mâles qui vont connaître cette tragique fin. Donc cela va aussi dépendre des espèces. Mais il est vrai que ici, le mâle lui-même, il peut être considéré comme une offrande alimentaire. Ouais, il s'offre carrément lui-même. Oui, c'est ça. Alors, il existe aussi des animaux qui jouent sur plusieurs terrains à la fois. C'est le cas du troglodyte mâle. C'est un tout petit oiseau. Mm-hmm. Et au printemps, il fabrique plusieurs nids à la fois. Alors ensuite, il va se mettre à côté de son nid, il va se mettre à chanter pour inviter la femelle. Puis si elle accepte, elle va s'y installer, elle va garnir le nid de plumes, pondre et puis s'occuper de ses petits. Mais en attendant, le mâle est déjà reparti. Puis avec ses autres nids qu'il a fabriqués, il va les offrir à d'autres femelles et comme ça, il va pouvoir avoir plusieurs femelles. Ouais, de la descendance de plusieurs côtés. C'est ça. Ouais. Et puis, bon, on a parlé un petit peu, parce que c'est un oiseau, précédemment, on était chez les insectes, puis les insectes, on sait, ils ont toujours des comportements assez étranges. Il doit y avoir d'autres sortes de cadeaux extravagants dans ce monde des insectes. Oui, il s'agit encore d'une offrande alimentaire, mais c'est vrai qu'elle est assez particulière. C'est la mouche scorpion, alors qui d'ailleurs n'est ni une mouche ni un scorpion, mais c'est un insecte qu'on trouve sur les continents européens et eurasiens. Alors c'est assez particulier puisque le mâle offre des boules de salive à la femelle pendant l'accouplement, donc ça donne pas très envie dit comme ça. Mais ces boules de salive, elles ont un rôle parce qu'elles sont riches en protides et contiennent des substances importantes pour la formation des œufs. Donc la femelle a tout intérêt à accepter ce présent. Chez certaines sauterelles également, on retrouve ce véritable cadeau alimentaire produit vraiment de toutes pièces par le mâle lors de la copulation. Donc cette fois-ci, il s'agit du spermatophylax, qui est une sécrétion pareil comestible et qui est riche en protéines, donc qui est avantageux pour la femelle. Ça va faire des ingrédients, des nutriments pour que la femelle puisse pondre, avoir des œufs en bonne santé. Pour le moment, tu nous as donné des exemples d'offrandes alimentaires. Est-ce qu'il y a d'autres types d'offrandes que les animaux se font? Oui, alors je pensais à l'oiseau à berceau qui est originaire d'Australie et de Nouvelle-Guinée. Alors, comme le nom l'indique, il fabrique un berceau qui va remplir de divers objets. Alors, ça peut être des baies, des champignons, des fleurs, des cailloux, vraiment tout ce qu'il va trouver sous son aile. Et puis, plus particulièrement, le jardinier satiné, donc qui fait partie aussi des oiseaux à berceau, choisit uniquement des objets de couleur bleue. Donc, à croire que sa douce préfère le bleu. Ouais. Et alors, ça peut être des objets naturels. Il va trouver des ailes de papillons, des baies bleues, mais aussi des objets comme une capsule de bouteille, des boîtes d'allumettes. On a retrouvé de toutes sortes d'objets dans ces berceaux. Le berceau, c'est le nid? C'est comparable au nid, ouais. Et il va aussi fabriquer lui-même une teinture bleue, donc pour qu'il va badigeonner ensuite sur les objets, qu'il va fabriquer en mélangeant du jus de baie et sa salive. Et ensuite, il va donc inviter la femelle, une fois que tout ça est prêt, dans son berceau. Et le succès des mâles est lié à la qualité du berceau et à sa décoration. Donc, il a intérêt de faire un beau cadeau. Ouais. En plus, il a l'âme artiste. C'est ça. Avec ces quelques exemples, quand même, j'ai pas l'impression que les animaux font dans le romantisme. Bah, il existe quand même des beaux exemples. Celui dont on vient de parler, c'est quand même assez romantique. Oui, c'est vrai. Oui, mais, il prépare un beau petit nid douillet avec des belles couleurs. Voilà, c'est ça. Mais d'un point de vue humain, c'est vrai qu'on ne trouve pas ça forcément attrayant. Je pourrais parler du papillon épial qui possède lui des poches de parfum au niveau de ses ailes. Donc en fait, il va arroser la femelle de son parfum. Donc elle ne va pas lui résister, parce qu'apparemment, ça doit être un parfum assez agréable. Et est-ce qu'il existe des espèces chez lesquelles il n'y a pas d'échange? Là, on a parlé les insectes, les oiseaux, les singes, tu nous as parlé au début. Est-ce qu'il y a des espèces qui ne se font pas d'échange? À ma connaissance, il y en a très peu chez les poissons, mais je pense que ça s'explique par leur mode de reproduction, puisque pour une majorité de poissons, la reproduction ne nécessite aucun rapprochement entre mâle et femelle. Ouais. Et comme on a vu que les échanges de cadeaux étaient surtout pour attirer la femelle, dans ce cas-là, c'est vrai que ça s'y prête moins bien. Il y avait un objectif reproducteur quand même dans toutes ces offres. Oui, quand même, beaucoup. En effet, le cadeau nuptial, il sert à la fois de critère de sélection pour les femelles, donc le meilleur cadeau sera le meilleur père pour ses enfants, et que c'est également un moyen de leur plaire. Mais il faut savoir que dans le monde animal, cette facette un peu de la séduction, il existe aussi beaucoup d'autres stratagèmes utilisés. Alors les parades sexuelles et puis des fois aussi des caractéristiques physiques comme la couleur de plumes vraiment très jolies qui vont attirer les femelles. Bah oui, finalement, c'est des sortes de décorations, de bijoux. C'est ça. les animaux portent naturellement. C'est ça, que les animaux portent naturellement. Bah, merci Adèle. Merci à toi. Je ne sais pas si on doit s'inspirer du monde animal pour faire nos cadeaux de Noël, par contre. Vaut mieux peut-être éviter dans certains cas. On va essayer de trouver de l'inspiration ailleurs. Et puis, mais les cadeaux qui se mangent, moi, je trouve ça quand même assez intéressant. C'est vrai. Côté. On va passer en musique sur CKRL au 89.1 et au retour, on vous emmène sur le Saint-Laurent.